passion jusqu'à l'excès, avec l'amour pour roi. Aimer jusqu'à en être blessé, avec l'amour pour loi. Se déchaîner jusqu'à la folie, comme mort la jalousie. Tout oublié au creux d'un grand lit, c'est son histoire d'aimer. Dans le luxe d'un bel appartement, où je ne suis qu'un meuble, je fais parfois des rêves troublants où tu n'es plus aveugle. Amoureux et jaloux comme un fou, tu sais prendre et donner. Alors je mets en scène et je joue mon histoire d'aimer. La passion quand je la rêve donne à notre amour la fièvre. C'est mon histoire d'aimer. Si tu me battais dans la vie, je crois que je te dirais merci. La passion quand je la rêve donne à notre amour la fièvre. C'est mon un élan puisse me bâillonner. Dans un corps à corps désordonné, je capitulerai. Voilà comment j'ai souvent rêvé mon histoire d'aimer. La passion quand je la mon histoire d'aimer.